Chacun de nous a fait sa vie de son côté. Pourquoi l'amour n'est-il jamais tout à fait? Car maintenant, elle t'a donné sa liberté et un enfant. Comme l'amour qu'on lit dans les livres, comme un paradis. Dans les lits.